suis dans la R. Si je suis là, c'est pour t'aigrir ma pièce. Y'a rien à faire, je vais les faire, il faut que j'encaisse. Attrape au sec. Je suis dans la R. Si je suis là, c'est pour t'aigrir ma pièce. Y'a rien à faire, je vais les faire, il faut j'encaisse. Arroyo, y'a plus de sang, j'ai plus de sang. Faut que tu repasses à l'heure, y'a R. On fait des passes, t'as peur pour Zen. On connaît plus le danger. Je suis au trot d'avant-près. Pas le temps quand tu parles d'un tel piste. En plus, ils font même pas de tal, pas de puce. Je sais pourquoi le fric m'appelle. Je vais les boire, je m'applique, je suis plus à l'essai. Je les match, je les vois commissaire. La grosse commission peut pas plaire. Différent business, on gère le truc, le cas abîmé. J'suis rempli de tristesse, j'dormirai quand j't'avais fumé. Millions de fric à faire, j'tape une pour aucun cran, j'suis pas dans le plaire. Différent business, on gère le truc, le cas abîmé. J'suis rempli de tristesse, j'dormirai quand j't'avais fumé. Millions de fric à faire, j'tape une pour aucun cran, j'suis pas dans le plaire. On les plie, c'est que tu sais. On n'a pas succès, j'suis toujours en bas mais j'ai trop de succès. J'suis dans ma cité gros, j'suis postiché. Le thème se masse là, j'vais les cartoucher. Avec le cartel, gros on fait la paire. Car on fait qu'un, quand ça parle de somme des vrais monsieur d'affaires. Il faut les racailles mais ils bossent à paire. Nous, t'inquiète, on les stocks, faut pas finir à terre. Et quand t'es pas prêt pour me faire seul, j'm'auto-bouchard quand l'hiver sonne. On attend personne, nous on plie le thème. J'ai le mort, personne ne pistonne. On donne pas les copains au chicken. Pour que tu glisses, ça va vite sa mère. Du mal à pas le faire, le mal et le fric m'appellent. Tu fais un business, on gère le truc, le cas abîmé. J'suis rempli de tristesse, j'dormirai quand j't'avais fumé. Millions de fric à faire. J'tape une pour aucun cran, j'suis pas dans le plaire. Tu fais un business, on gère le truc, le cas abîmé. J'suis rempli de tristesse, j'dormirai quand j't'avais fumé. Millions de fric à faire. J'tape une pour aucun cran, j'suis pas dans le plaire. On les plie, c'est que tu sais. On n'a pas succès, j'suis toujours en bas mais j'ai trop de succès. J'suis dans ma cité gros, j'suis postiché. Le thème sur la semaine, je vais les cartoucher. On les plie, c'est que tu sais. On n'a pas succès, je suis toujours en bas, mais j'ai trop de succès. Je suis dans ma cité, gros, je suis postiché. Le thème sur la semaine, je vais les cartoucher. Hey. Alors, c'est comment? Un crapaud sec. Crapaud 5.